C'est le temps du commentaire de disque de la semaine. Commentaire de disque que vous pouvez lire sur les sites de Centraure. www.centraure.qc.ca, le Québec Pop via le québecpop.com, ainsi que sur ma page Facebook de Canrock, CANROCK. Et c'est cette semaine, eh bien, c'est selon moi un de mes meilleurs albums de l'année déjà. Je pourrais dire ça. C'est l'album éponyme de René Ray. Premier opus pour l'auteur-compositrice-interprète franco-ontarienne René Ray. Elle nous offre 11 chansons des plus intéressantes qui nous accrochent de plage en plage. En réalité, c'est plus la texture de l'enregistrement qui nous captive. De « Dans mon navire » jusqu'à « Le soleil est jaune pastel ». Eh bien, ce produit a une couleur très organique, très intimiste, qui nous bouleverse dans le bon sens. C'est un univers folk roots qui est très intéressant. Les arrangements musicaux sont des plus fluides et accompagnent de magnifiques et très beaux textes. Je vous donne quelques adresses pour vous mettre la main là-dessus. Il y a bien sûr la PCM, www.apcm.ca, ou encore renery.ca, R-E-N-E-Y-R-A-Y.ca, René Ray. On va y aller avec une première plage pour cet album-là. C'est tout simplement une plage qui est très connue, qui a tourné beaucoup sur les palmarès. Voici « Le monde est con » de l'auteur, compositrice, interprète René Ray, une franco-ontarienne qui est native de Kapuskasing, mais qui demeure maintenant dans la région de Montréal. Je veux me découvrir. Oh, de ces deux succès radio, Online et Le Monde est con qu'on vient d'entendre, René Ray nous offre le fruit d'une plume profonde sur les relations humaines, la sincérité, l'intégrité. Des bijoux, on y en trouve énormément. Il y a ce superbe duo qu'on va entendre en fin de commentaire, un duo avec Denis Coulombe, Protège-moi de l'ombre, flirte un peu avec le blues, ce qui ajoute au magnétisme de cette belle balade. De la cour au jardin qu'on va entendre dans quelques instants est un country folk qui sera sûrement un bon extrait radio. On peut en dire autant de Shotgun, un autre excellent texte sur l'intégrité. La chanson la plus profonde de l'album est sans contredit L'Héritage, une balade folk piano-voix empreinte de sérénité et de tendresse. L'album se termine tout en douceur avec Le soleil est jaune pastel, une autre belle expression d'intégrité qui nous laisse entrevoir certaines mélancolies qui nous fait du bien. Que le matin, quand le réveil m'écorche, j'sais que dans deux heures, j'serai encore au poste. La moitié de ma vie au travail, semble que j'ai donné pas mal. On me permet pas de partir maintenant. J'dois être encore bonne pour donner le plus précieux de mon temps. Je vois d'immenses bateaux. Deux pieds plein avec son album éponyme. L'auteur, compositrice, interprète franco-ontarienne René Ray nous invite dans son univers folk intimiste et rassurant. Sur ce disque, on y retrouve des mélodies et des textes puissants qui nous captivent dès les premiers accords, sans faiblesse ni longueur. Un tête-à-tête avec une artiste vraie et intègre, un rendez-vous qui nous fait du bien. Alors, allez visiter le www.renéray.ca. René Ray, c'est RENEYRAY.ca et aussi l'APCM, www.apcm.ca. On va y aller avec une dernière pièce, un superbe duo qu'on retrouve sur cet album-là. Et c'est tout simplement avec M. Denis Coulombe. Voici « Protège-moi de l'ombre », l'auteur, compositrice, interprète franco-ontarienne René Ray et la chanson « Protège-moi de l'ombre ». Je t'en prie. pense à toi, puis j'ouvre les pages pour te laisser lire un peu. Puis je laisse couler des larmes de temps en temps, sois doux. Puis si je t'explique mon cas, puis t'aimes pas ça, respire un instant. La rage qui monte se charge bien mieux si on comprend. L'ombre apparaît moins souvent. Peut-être qu'on s'aimera plus longtemps. Ma chanson, je l'ai inventée. te la chanter, te la donner. Pis comme le bonhomme à sa vieille dame, je te lance ma dernière once de charme. Notre bloc Québec-Ontario avec vraiment un classique de l'Ontario français tiré de l'album Tous dans le même bateau. Un groupe culte, un groupe phénoménal qui a influencé une culture, une communauté artistique dès le début. Cano, bien sûr, et l'excellente chanson En plein hiver. Soit dit en passant, je n'étais pas à la vitrine d'Abel Maxwell, mais apparemment qu'Abel Maxwell en a fait une belle version jazz qui peut-être se retrouvera sur un album, on l'espère. Mais en tout cas, ça a bien commencé le bloc de l'Est Québec-Ontario qui se poursuit avec tout simplement Chanson pour Suzy. Assise dans la maison, j'éteins les lumières, j't'ai allumé une belle chandelle. Puis quand je me suis mise à chanter, je sentais que t'étais là à m'écouter. J'étais certaine que t'étais ici hier après-midi, quand je t'ai parlé une ou deux heures. Puis t'es partie à cette heure. Tu t'as pas de cœur, j'aimerais ça te voir aujourd'hui. Tu sais que je m'ennuie, tu sais que je m'ennuie.